Il existe un petit mot très utile en espagnol. C'est « así », qui veut dire « ainsi », de cette manière, comme ça, hein, « así », qui s'écrit « A-S-I » et porte un accent sur le « i ». J'expliquerai un peu plus tard pourquoi cet accent, hein, mais pour l'instant, ne vous inquiétez pas. « Así hein. ».« Así » veut dire « ainsi », »,« comme ça ». Alors, « c'est comme ça » se dira « Est-ce assi ?»« Est-ce assi ?» Et « ce n'est pas comme ça ?»« No es así ?»« No es así ». En espagnol, quand l'adverbe, hein, c'est ce petit mot « assi » qu'on vient de voir, hein, quand il est court, hein, comme c'est le cas pour « assi », on le met plus souvent avant le verbe qu'après. Donc, comment direz-vous « comme ça, ça n'est pas acceptable pour moi hein? » Comment dites-vous ça ?« Comme ça, ce n'est pas acceptable pour moi. Donc, « assi mm-hmm. » no es acceptable. Ah, attention, ça s'écrit avec un seul C. « Acep no es acceptable. » Pour moi ? Para mí. Bien. Así no es aceptable para mí. Así no es aceptable para mí. Pourquoi n'est-ce pas acceptable pour vous comme ça? ¿Por qué no es posible? No. Acceptable. Ah oui. Aceptable. Pour vous? Para usted. Para, hein, para. Para. Il faut accentuer, hein, il faut insister sur l'avant-dernière syllabe, sur para. Para. Para. D'accord. Para usted, comme ça. Así. Bien. Mais on mettra plutôt así au début. Hein. ¿Por qué así no es aceptable para usted?